The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Secret. Le secret. To shut. Fermer. Door. La porte. First. D'abord. Want. L'envie. To get up. Se lever. Lazy. Paresseux. Now, a bit faster. Door. La porte. Lazy. Paresseux. To shut. Fermer. First. D'abord. To shut. Fermer. First. D'abord. To get up. Se lever. First. D'abord. Door. La porte. Secret. Le secret. Door. La porte. First. D'abord. To get up. Se lever. Want. L'envie. Now, use the words in context. Le secret. Tell me your secret. Dis-moi ton secret. D'abord. Give me the keys first. Donne-moi les clés d'abord. L'envie. I feel like seeing you. J'ai envie de te voir. Se lever. Get up. Lève-toi. Paresseux. I'm a little lazy. Je suis un peu paresseux. D'abord. Give me the keys first. Donne-moi les clés d'abord. Paresseux. I'm a little lazy. Je suis un peu paresseux.